good Lord will bring you back. You're my sunshine. Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice. Merci à vous d'être présents ce soir. Il est 19h, nous sommes ensemble pour une bonne heure. Alors, vous êtes, j'espère, nombreux à nous écouter ce soir. Sachez que chaque mois, il y a deux interviews le lundi de 19h à 20h sur Radio Web Passion. J'ai un petit retour, excusez-moi. Aujourd'hui, j'accueille une artiste orléanaise qui nous présentera son nouveau bébé. Eh oui, je veux dire, bien sûr, son tout nouveau single et son clip Paranoid. Je souhaite la bienvenue dans les coulisses à Elsia. Oh, bah, ça commence bien. Bonsoir, Bérénice. Attends, je t'entends un peu fort. Je sais pas, toi, de ton côté. Ça va. C'est bon. Donc, ouais, Elsia, c'est bon. Pourquoi Elsia? Je sais pas. Elsia. Bah parce qu'en fait, c'est un petit référent. Enfin, c'est un prénom ancien qui est très peu utilisé et ça fait référence un côté affectif à ma sœur que j'ai perdue, qui aimait beaucoup la chanteuse Sia. Donc voilà, sachant que mon prénom d'origine est Elsa, voilà, c'est un mix des deux. Elsia, donc un petit clin d'œil affectif à ma sœur. Voilà. En tout cas, quel bonheur de te recevoir dans le studio ce soir sur la radio Web Passion. Merci. Voilà, dans ces temps assez compliqués, c'est toujours un bonheur de parler de la culture et surtout de chanteurs ou de chanteuses ou de groupes Luco. Donc, très content que tu sois ici dans les studios. Alors, rapidement, tu es donc la chanteuse de ton projet. Oui. Donc, oui. Tu es pas seule. Non, j'ai toute une équipe derrière, en fait. Donc, ton projet, c'est Elzia, mais est-ce qu'on peut parler d'un groupe ? Comment tu vois les choses ? Comment on doit te présenter, en fait ? En fait, je suis le personnage principal, on va dire. Et après, j'ai des artistes qui gravitent autour, qui... Je suis auteur, compositeur, interprète. Et donc, j'écris mes chansons... Et la mélodie du chant, en revanche, pour tout ce qui est instrument, je fais appel à des musiciens à l'extérieur. Donc, il y a certains musiciens qui étaient sur Liberty, mon premier single, qui ne sont pas sur mon deuxième projet sur Paranoid. Certains sont restés, et donc notamment Thibault Lurton, qui est auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste. Enfin, à la base, il est surtout bassiste. Et puis, j'ai un directeur artistique aussi qui est à mes côtés, qui était là pour Liberty et également pour Paranoid et pour l'album à venir, voilà. Et j'ai la chance aussi d'avoir un manager, puisqu'il m'a découverte avec grâce à Liberty, et un label belge qui me suit et qui me porte pour ce joli projet, voilà. On va en parler de toute manière. On aimerait bien savoir un petit peu qui tu es, Elzia, puisque ouais. Tu es d'Orléans, mais j'aimerais que tu nous parles de toi. Puisque tu es originaire de la région, si j'ai bien compris. C'est ça, native d'Orléans. D'accord. Donc, quelle est ton histoire ? Comment est-ce que tu as démarré cette aventure musicale ? Alors, j'ai toujours été baignée dans la musique, puisque j'ai mon père qui faisait de l'opéra. Mais je suis artiste multicarte, c'est-à-dire qu'à côté de ça, j'ai fait des études en tant que designer, donc des études supérieures, donc j'ai un master en design, j'ai fait un DNAP, un DNSEP de design, mobilier, objets, art de la table, etc. On a un petit peu aussi touché pour ces études-là à tout ce qui est urbanisme, architecture. Mais la musique, c'est quelque chose que j'avais mis de côté, en fait. Quand j'étais en terminale, je faisais partie d'un groupe de rock et de blues. Donc, on avait fait des concerts, Caveau des Trois Maris, ainsi de suite, sur Orléans. On avait commencé à prendre un peu d'ampleur. À l'époque, ça s'appelait les 24 Nights. Et puis, bon, c'est tombé à l'eau. Et je me suis vraiment consacrée à mes études d'art. Et la musique, j'avais mis de côté. Mais nos premiers amours, généralement, nous titillent au bout d'un moment. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, après, j'ai suivi une formation. Donc, je suis rentrée dans une école de musique. J'ai suivi des cours pendant 2 ans et demi avec un coach pour pouvoir bien placer la voix, travailler la respiration, pas s'abîmer les cordes vocales, toucher différents styles musicaux, sachant que je suis plutôt sensible à tout ce qui est jazz, blues, soul. J'aime bien aussi tout ce qui est pop, etc. Mais vraiment, je suis plutôt... ouais, musique très chaude, très... Voilà, la soul, c'est quelque chose qui me parle, quoi, vraiment. Donc, tes influences, justement ? Alors, donc, forcément, mes influences, tout ce qui est jazz, il va y avoir Ella Fitzgerald, il va y avoir Billie Holiday, il va y avoir Nina Simone. Et puis, tout ce qui est soul, bon, y a les classiques de soul, mais il y a aussi les chanteuses, grandes références, Amy Winehouse, Duffy, voilà, donc c'est... Ça fait partie de mes références. Et au niveau des chanteuses soul actuelles, il y a Anna Williams, que je suis d'ailleurs allée voir au New Morning l'année dernière pour les 15 ans de Record Kicks. Donc, c'est une maison de disques italienne, que je suis pas mal d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup leurs artistes. Voilà. Et ton premier titre, Liberty. Oui, il est sorti quand exactement ? Alors, il est sorti il y a 2 ans maintenant, mais c'était, on va dire, à titre confidentiel. Mon manager, comme il m'a découverte avec ce titre, il m'a fait signer en décembre dernier avec Hot Puma Records. Et donc, Hot Puma a relancé, en fait, ce single qui a permis justement une diffusion au niveau national et puis à l'étranger également. Et donc, Liberty, c'était vraiment un... J'avais écrit cette chanson parce que, oui, j'avais envie de parler de la liberté au sens large, que ce soit la liberté d'expression, la liberté individuelle, le côté précieux, en fait, de la liberté. Je m'étais exprimée là-dessus. D'accord. Donc, c'est toi qui as écrit, tu es donc auteur sur Liberty, on est d'accord ? Oui, auteur, compositeur, interprète, bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà, ouais. Et quand est-ce que tu l'as écrit, ce titre, en fait, réellement ? Il y a 3 ans maintenant, oui, c'est ça, je l'ai créé il y a 3 ans. D'accord. J'étais en plein changement de vie, donc... Voilà. Il y avait un cap. Hein. Bon, c'est ça. En fait, quand j'écris, c'est toujours des expériences de vie, que ça me concerne directement ou mon entourage. Voilà, donc... D'accord, très bien. J'ai en direct sur mon téléphone des messages en me disant « elle est vraiment super !» Waouh. J'ai en direct, j'ai des messages, donc c'est plutôt bien. Donc le son, il est plutôt bon apparemment, bon, donc super. Tout va bien. Donc Liberty, en effet, donc ton premier bébé, donc. Oui, c'est ça. Qui annonce la suite. Donc on en parlera en deuxième partie, hein, parce que là, en première partie, en effet, on est là pour te découvrir, puisque tu es d'Orléans, donc c'est précieux pour nous de savoir qui tu es. Mm-hmm. Tu nous as parlé de tes influences. T'as une voix absolument incroyable. Non, mais merci, c'est gentil. C'est une des plus belles voix, moi, que j'ai entendues sur Orléans, en tout cas. Je suis très touchée, merci beaucoup. Oui, donc ça me fait vraiment plaisir et je suis très contente de pouvoir te recevoir aujourd'hui, en tout cas. Donc, si j'ai bien compris, excuse-moi, tu as mis en place une équipe autour oui, de toi. C'est ça. Hein, donc, assez rapidement, tu as compris qu'il fallait pour se professionnaliser. Hein, est-ce que tu t'estimes, enfin, je ne sais pas comment te poser la question pour ne pas déjà être maladroite, mais à quel moment tu t'es dit je veux vraiment faire ma carrière dans la musique, je veux devenir professionnelle. Quel a été le déclencheur? En fait, c'est à partir du moment où j'étais découverte lors d'un concert au Club 15. J'étais donc avec des musiciens, je me produisais. Et à la fin du concert, il y a un manager qui est venu me voir, qui lui était sur Londres. Il était de passage sur Orléans. Il est venu me voir à la sortie du concert en me demandant si j'étais chanteuse professionnelle, ainsi de suite. Bon, j'ai pris contact avec ce monsieur. Enfin, on a gardé contact. Et c'est lui qui m'a encouragée à aller plus loin. Donc, je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que peut-être. Et comme je fais pas les choses à moitié et que je me donne à 100% dans ce que je fais, et que je sais que ma voix touche, en fait, les gens, parce que je raconte vraiment des choses, et même quand je me produis sur scène, j'essaie de capter les regards, l'attention des gens, les emmener vraiment dans mon univers. Et, donc très rapidement, en fait, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure, oui. D'accord. C'est très courageux parce que c'est quand même... C'est une prise de risque. Hein. On s'expose, hein, ça c'est sûr. Mais bon, faut oser dans la vie. Sinon, après, on est gris, on est déçu, on est... Enfin, voilà, on a... Non, je vais de l'avant, voilà. Après, ça marche pas, mais au moins, il n'y a pas de regret. Alors, ce que je peux te proposer, c'est qu'on puisse rapidement t'écouter. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, tu as sélectionné ta playlist. Oui. Mais aussi les titres qui te concernent directement. Voilà. Donc, je te laisse choisir lequel de tes titres, parce que tu as deux titres là. Oui. Qu'on a. On va commencer. Alors, pour ce qui est de mes compos, on va commencer par Liberty. D'accord. Et puis, on se retrouve pour la deuxième partie. Très bien. D'accord. Et puis, parler encore de ton projet musical. D'accord. Avec grand plaisir. À tout de suite après Liberty. Voilà. Dans un placard, la lueur du matin, croire en son destin, gommer cette existence, se peur, ses souffrances. Oh, liberty, yeah, I feel free, I'll never let you down, ça n'est qu'un background. Ta chaleur, tes regards qui se frôlent, zéphyr sur mon épaule, c'est une incandescence qui touche à la démence, puis c'est la collision. D'écouter Liberty d'Elsia, qui est avec nous ce soir. Re-Elsia, j'ai remis ton micro, tu es avec nous. Oui, bonsoir. Parce que je ne m'entendais pas, effectivement. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, donc bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, puisque on est avec Elsia ce soir, qui vient nous présenter un de ses titres dont on va parler. Le premier que vous venez d'écouter, Liberty, justement, tu peux nous en parler un petit peu, justement, de ce titre Alors là, en fait, j'avais voulu parler de la notion de liberté, c'est-à-dire que au début, le morceau commence sur une touche un petit peu, on va dire, mélancolique. Parfois, on a oublié notre liberté. Mais il faut savoir que sans elle, on dépérit, on s'éteint, on souffre, on peut perdre espoir sans liberté. Et puis, au fur et à mesure du morceau, ça évolue. Et là, il y a une sorte de prise de conscience de ce qu'est la liberté. Et on tend vers quelque chose de positif sur la fin du morceau, où là, il y a du rythme, on a envie de bouger, il y a le côté groove, etc. Et on laisse la tristesse derrière. Donc c'est pour ça que je dis sadness stayed in the background, ça veut dire qu'on met la tristesse derrière, il faut savoir avancer. Et c'est vrai qu'on est dans une société où, malheureusement, les gens sont très auto-centrés, ils se plaignent souvent, ils sont souvent envieux des autres. Voilà, mais à savoir que quand on a la santé, qu'on a, voilà, enfin, on peut toujours avancer, il faut avoir des projets, on est libre, on est dans un pays libre, même si actuellement, malheureusement, le contexte est quand même compliqué, donc les libertés, on est un petit peu restreint avec nos attestations, etc. Mais faut garder le côté positif, faut toujours avancer, et la musique est là pour porter les messages positifs. Donc, Alors ce titre est associé à un clip. Oui, Liberty. Oui, c'était magnifique, c'est magnifique ce clip aussi. Où est-ce qu'il a été tourné ? Alors, tout a été tourné sur Orléans. Donc, il y a une partie qui était tournée dans mon atelier, où là, on me voit en train de peindre. Puis, je sors de mon atelier, je vais sur un scooter de collection, une Vespa. Et je longe la Loire. Il y a le côté fleuve libre, parce que la Loire est un fleuve libre, donc en référence toujours à la liberté. Et c'est un fleuve que j'affectionne, puisque quand j'étais étudiante aux Beaux-Arts, on allait peindre sur le motif, donc on allait peindre sur les bords de Loire. Et puis bon, voilà, c'est un fleuve magique. Et après, on me voit entrer dans la salle de l'Institut, donc salle de concert du Conservatoire d'Orléans, qui est une salle splendide, de style Napoléon III, et j'avais envie vraiment de mettre en valeur ce patrimoine. Donc on me voit seule en scène, chanter face à une salle vide, mais voilà, c'était pour inciter le spectateur à venir me rejoindre. D'ailleurs, je vous invite tous à aller voir ce clip, qui est absolument magnifique. Non seulement toi tu chantes divinement bien, mais le cadre, le clip est très bien. Qu'est-ce qu'il a fait ce clip? Alors pour chacun de mes clips, je réalise le storyboard. Alors qu'est-ce que c'est que le storyboard? Un storyboard, c'est faut imaginer une BD, et je fais des visuels. Et sous chaque visuel, je mets une légende qui explique chaque scénette. Voilà, donc j'ai mon storyboard, je visualise déjà tout à l'avance, je fais mes repérages de lieux, ainsi de suite. Et puis, il y a également tout le travail sur les recherches de costumes, tenues, accessoires. Puis bah, après, il y a toute l'équipe à constituer, hein, maquilleuse, coiffeuse, ainsi de suite. Et la réalisation du clip de Liberty a été faite par HK, qui est une réalisatrice anglaise. Donc elle est venue de Londres. Voilà. Et pour Paranoid, c'est une autre équipe qui est venue. On va en parler dès qu'on l'entendra. Voilà. Mais pour Liberty, déjà, j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. J'ai beaucoup aimé le cadre et tout allait bien. En fait, c'était toi. Je voulais en quelque chose de chaud au niveau des teintes, etc. Ça te ressemble bien. Non, merci. Non, mais c'est toi, en fait. Tu restes authentique. Donc, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Il y a toujours une recherche esthétique. C'est-à-dire qu'à l'origine, quand j'étais enfant, je voulais me destiner à des études dans la haute couture. Mm-hmm. Donc, il y a toujours la recherche de l'élégance, la classe. C'est ça. Voilà. Donc, jamais de vulgarité. Voilà. On peut être dans la sensualité, mais jamais dans la vulgarité. Et là, pour Liberty, voilà, c'est tout. Je voulais quelque chose de beau, de classe, d'élégant, de chaud, une couleur très luxe. C'est-à-dire que au tout début du clip, on part comme il y a une ambiance très, on va dire, un peu triste. Enfin voilà, dans la mélancolie. Là, il y a un effet une recherche au niveau de l'esthétique de l'image qui va vers l'effet Super 8. Et après, on tend vers une image luxe avec des couleurs champagne, très chaudes. D'accord, ça a mis combien de temps pour la réalisation Alors, le tournage a duré 2 jours. Et puis, la réalisation, bon, en fait, ça s'est fait assez rapidement parce qu'HK, au bout de 2 semaines, nous avait déjà proposé des premiers rushs, on va dire. Et puis, on a tout décortiqué avec mon directeur artistique, Laurent Brett, avec son œil bien acéré. Voilà, on a tout regardé, tout décortiqué. Et puis, en fonction... elle a refait le montage, ainsi de suite. Enfin, en tout cas, j'ai toujours un œil sur la création. Voilà. D'accord. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait démarrer, justement, qui voudrait faire son clip, comment tu as commencé, toi, du coup ? Est-ce que tu t'es d'abord entourée de personnes qui étaient compétentes ou alors... Non, je suis arrivée à chaque fois avec mon projet clé en main. C'est-à-dire que j'avais déjà tous mes visuels, j'avais déjà fait mes repérages, j'avais déjà en tête tous les accessoires et ainsi de suite. J'arrivais avec ma valise pleine. Mais a priori, ça ne fonctionne pas comme ça. Généralement, les réalisateurs voient des musiciens arriver les mains vides, entre guillemets. Rien de péjoratif, mais... ils sont là avec leur musique et ils font confiance aux réalisateurs qui proposent, en fait. D'accord. Voilà. Oui, donc... Souvent, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est les échos que j'en ai eus. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup. Enfin, souvent, les artistes ont quand même des idées quand même sur un peu l'atmosphère. Oui, voilà. Mais après, ils ne sont pas forcément... Enfin, il y en a même d'idées. Certains qui n'ont pas du tout d'idées. Hein. Oui, donc c'est vrai que bon. C'est pas évident à remarquer. Mais bon, voilà. Toi, de ton côté, tu savais ce que tu voulais. Oui. Donc, tu étais déterminée. Oui, je sais exactement ce que je veux à chaque fois. Voilà, oui. Tu sais ce que tu veux. Oui. Donc, c'est sûr que... Après, c'est peut-être pas évident de se caler sur toi, tes envies et ce qu'il est possible de faire aussi à côté. Peut-être qu'il y a aussi des décalages, alors que peut-être pas dans la réalisation, c'est plutôt technique, c'est-à-dire peut-être que... aussi et financier, peut-être que c'est aussi... Oui, alors il y a des choses pour lesquelles... Il y a des choses qu'on peut fantasmer, mais... On est vite rattrapé par la réalité, hein. C'est-à-dire que je suis quand même consciente de ce qui peut être faisable ou non, sachant que comme j'ai fait des études dans le design, je sais un peu travailler, enfin tout ce qui est logiciel d'image, etc. Je maîtrise. Donc voilà, il y a des choses que je peux projeter et ça, je me dis oui, ça c'est réalisable, ça ne l'est pas. Arrêtons là, je ne m'appelle pas Madonna, je n'ai pas le budget de Britney Spears non plus. Oui, il y a des choses, je reste raisonnable hein, dans mes ambitions. T'as jamais été déçue finalement ? Non, pas du tout. Je suis tombée vraiment à chaque fois sur des personnes très compétentes, évident, hein. Très à l'écoute aussi. D'accord. Parce qu'ils pourraient aussi aller dans la facilité et dire non, on va faire ça comme ça. Non, non. À chaque fois, ils étaient très à l'écoute. Donc, Non, j'ai eu la chance vraiment d'avoir des équipes en or. Oh là là, s'ils nous écoutent, on leur passera les petits messages tout à l'heure. Ah oui. Faudra pas hésiter. Hein. Oui. Je te propose de choisir dans la playlist un titre. Donc, soit ton titre qui vient de sortir, avec son clip d'ailleurs. Ou alors un autre titre. Donc, je te laisse faire. Vas-y. Alors là, ce que je vais faire, dans ce cas, je vais lancer Alexis Evans, qui est un chanteur français qui a signé avec la maison de disques Record Kicks italienne, qui sont spécialisés dans tout ce qui est soul. Et donc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est suivi d'ailleurs par un agent, Didier Bergen, qui est sur Blois. Voilà. Pas très loin. Donc, je soutiens et je supporte Alexis Evans. Donc, je laisse découvrir les auditeurs son univers. On y va, Alexis Evans. Action. Why, darling, we had a deal. Vous êtes à nouveau dans les coulisses de Bérénice. Vous venez d'écouter Alexis Evans et c'était dans la playlist d'Elsia. Non mais quelle horreur. dans la playlist d'Elsia. Donc tu nous parlais d'Alexis Evans. Tu peux nous en reparler quelques minutes puisque tu me disais que tu avais été le voir. Oui, je suis allée le voir à Chambord. Alors il est venu l'été dernier à La Sardine et puis il a joué également à Chambord. Donc je suis allée le voir. Il faisait 40 degrés. Ils ont assuré un show. Waouh, c'est extraordinaire. Non, vraiment, c'est un artiste qu'il faut suivre. Donc, il est bordelais et il a son band qui est bordelais également. Voilà, il tourne un peu partout. Enfin, quand les concerts reprendront, quoi. Voilà. Ouais, c'est un petit peu calme. Là, c'est compliqué en ce moment, mais bon. Voilà. Donc, non, c'est un artiste à suivre. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur ton projet à toi. Oui, hein, volontiers. De toute manière, on a plein d'autres petites surprises à écouter. Oui. Après. Oui. Toi, tu as sorti donc tout récemment, on va redonner la date exacte de ton nouveau titre que tu viens de sortir ainsi que son clip qui est associé. Oui, alors il est sorti le 6 novembre dernier. D'accord, il s'appelle Paranoid. Voilà, Paranoid, ouais. Mm. Pourquoi ce choix du nom ? Alors en fait, quand j'ai écrit ce titre, on n'était pas du tout dans cette situation actuelle, où là justement, ça devient un titre d'actualité, puisque les gens basculent peu à peu dans la paranoïa avec ce qui se passe. J'avais écrit ce titre parce que j'ai une des personnes de mon entourage qui est atteinte de paranoïa. Et donc je l'ai soutenue, je suis allée dans les hôpitaux psy, etc. J'ai vu ce que c'était, notamment ce qu'est une chambre capitonnée. Donc dans les paroles, si vous écoutez vraiment, j'ai des clins d'œil justement à cet univers-là. Mais je ne voulais pas aborder ce thème de façon lourde, parce que c'est quand même quelque chose de difficile. Hein. Je voulais plutôt traiter ça de façon un peu psychédélique, décalée, un peu déjantée. Comme par exemple Lerita Mitsuko avec Masia Baila, où elle parle d'un thème lourd, elle parle du cancer du sein d'une amie. Là, j'avais envie de parler d'un thème lourd, certes, mais en fait, finalement, d'embarquer les gens dans cette paranoïa. Donc le clip commence, c'est comme si on rentrait dans la tête du malade. Donc c'est pour ça que il y a l'idée du Judas, et on rentre dans le Judas pour arriver sur un œil. Enfin bref, voilà, il y a plein de clichés, c'est très 60s au niveau de l'univers. Là, cette fois-ci, c'est un clip en noir et blanc, parce que je voulais quelque chose de psychédélique, mais pas trop non plus. Je voulais pas envoyer trop d'informations non plus aux spectateurs. Donc, je me suis dit, en travaillant ça en noir et blanc, avoir quelque chose de très graphique. Et donc, oui, du coup, on découvre tout un tas de personnages. Donc, c'est très farfelu, déjanté. Donc, il y a à la fois une sorte de diable en référence au James Bond qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Il y a référence à Orange Mécanique aussi. Il y a des références aussi à la série Le Prisonnier, avec le rover, le gros ballon qui vient étouffer les gens qui veulent partir. Et puis il y a également Chapeau Melon Botte de Cuir automatiquement. Voilà, donc c'est très 60s. Donc je voulais quelque chose décalé, déjanté, attirer le spectateur dans cet univers, et puis démystifier un peu ce côté tragique de la maladie, de la parano, parce que malgré tout, les gens qui sont atteints de cette maladie restent des êtres humains, même si moi, dans mes paroles, dans mon refrain, je dis, tu deviens parano, tu te transformes en une sorte d'humanoïde. Enfin, ça enlève en fait le côté humain, soi-disant. Mais non, faut garder en fait ce lien. Les gens atteints de cette maladie ont vraiment besoin d'être entourés. Et d'ailleurs, j'ai une personne qui me suit sur les réseaux sociaux, qui m'a remercié, qui m'a envoyé un message en privé, qui m'a remercié parce qu'elle est atteinte justement de cette maladie, et elle a été très touchée par le clip, vraiment. Donc ça, waouh, ça touche en fait quand on a ce genre de message, quoi. Voilà. Le réalisateur, quand il a vu ton storyboard, il s'est dit, bon, je vais prendre dans quel sens je peux le prendre en fait. Il était emballé. C'est vrai, oui. Ah oui, oui, oui. Alors là, pour le coup, j'ai fait appel à Christophe Poli et à son équipe Factum. Donc, ils sont basés à Saint-Jean-de-Bray. Ils sont extraordinaires, vraiment. C'est une équipe très à l'écoute, très ouverte à tout ce qui est artistique. En plus, eux-mêmes sont très ouverts à la musique. Alors, ils ont l'habitude de travailler avec une entreprise de cosmétiques dont je tairai le nom. Parce que je peux pas dire de mots, mais voilà, enfin de noms, mais voilà. Donc, en tout cas, oui, ils font du travail vraiment de haute qualité. Il a tout de suite validé, en fait. Quand je suis arrivée avec mon storyboard, je vais expliquer l'univers, les différents personnages. Je vais expliquer que j'allais fabriquer moi-même les costumes, les accessoires, et ainsi de suite. Donc, il était emballé. Donc, il a dit banco. Et son équipe a suivi. Voilà, donc non, très belle aventure humaine, vraiment. Oui, donc je pense que tu fais appel à plusieurs, pas corps de métier, mais tu es assez plusieurs disciplines artistiques. Mm. Tu touches à plusieurs et personne ne nous voit là. On n'est que toutes les deux, mais tu parles beaucoup avec tes mains. Ah oui, c'est mon côté latin, c'est mon côté italien qui ressort. D'accord, mais tu as quand même, tu as tendance quand même à toucher tes doigts. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, qui fait appel un peu au sens. Ah oui, oui. Au toucher. Oui, oui. Et je pense que oui, tu as des sens. Oui, j'ai des utilises. Mains. Oui, oui, oui. Donc, tu peux nous dire ce que tu fais en plus de la musique. Puisque moi, je t'ai rencontré dans un autre domaine. Mmh. Et je pense que c'est important aussi qu'on en parle, puisque ça fait partie de toi et de ton projet, puisque tu associes et tu fais beaucoup, tu crées beaucoup dans tes clips. Oui. Je ne veux pas tout dire. Vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu as créé de tes mains? Alors, en dehors du storyboard, effectivement, donc j'ai créé tout ce qui était accessoires et costumes. J'ai fait tout un tas de recherches aussi. Il y a un petit clin d'œil aussi au Bauhaus. Et donc oui, j'ai dessiné les costumes et je les ai fabriqués et puis les accessoires, on voit avec une canne avec un œil, bon bah voilà, j'ai fabriqué l'œil, c'est-à-dire que comme j'ai fait des études de design, j'arrive à projeter quel matériau utiliser et je vois tout de suite ce qui peut être faisable ou non, et je vois la contrainte du matériau, je sais comment aborder, comment les limites du matériau à ne pas dépasser, sinon ça va casser, ça va se déformer en fonction. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Donc oui, mais j'arrive à projeter en fait ce que j'ai en tête, j'arrive à le matérialiser en fait. Donc voilà. Ouais, donc c'est une. C'est beaucoup de travail hein, parce que on était très short au niveau du timing et je me suis couchée plusieurs soirs à plus d'une heure du matin pour être dans les temps. Et le jour du tournage, il y a certains costumes que Yasmina, la chorégraphe, n'avait pas essayé. Donc j'avais quelques petites appréhensions, me disant pourvu que ça ne craque pas, pourvu que ça tienne. Non, mais c'est bon, tout s'est bien passé parce qu'elle, il fallait qu'elle puisse avoir quand même une certaine amplitude pour les mouvements. Donc il y avait aussi ça qu'il fallait prendre en compte. Voilà, donc et Yasmina, ça a été une belle rencontre aussi. Donc c'est une chorégraphe qui travaille. Ben, elle a une école de danse à Orléans, mais elle travaille aussi à Paris. Elle travaille à l'étranger. Elle est quand même très sollicitée. Elle avait découvert Liberty, qu'elle avait adoré. Elle m'avait dit si jamais un jour t'as besoin, je suis partante. Et j'ai dit oh mais ok, très bien, parce que j'ai fait un peu de danse, de modern jazz quand j'étais plus jeune, donc j'arrivais à imaginer des choses. Je me suis dit oui, pour le prochain clip il faut absolument que j'ai une danseuse, donc j'ai sollicité Yasmina, je lui ai fait écouter la maquette de Paranoid et elle a été tout de suite touchée. Et ça, parce que en fait ce thème faisait écho à son premier spectacle qu'elle avait créé, qui parlait justement de la paranoïa. Donc on s'est retrouvés complètement et elle était ravie de m'accompagner sur ce projet. Donc après, bon, lors des essayages, elle était aux anges. On a beaucoup beaucoup beaucoup travaillé. On a passé des après-midi entiers à travailler la chorégraphie. Je la filmais. On sélectionnait les postures, les attitudes. Il y a des choses qu'on évinçait. Enfin voilà, qu'on mettait de côté. D'autres. Enfin voilà, on a vraiment. On a fait un gros travail aussi toutes les deux par rapport à la chorégraphie. Elle a été plus qu'à la hauteur au niveau du rendu. Je suis ravie. Alors à défaut de voir le clip, où je suis sûre que tout le monde ira voir le clip sur YouTube, de manière on va rappeler les réseaux sociaux juste après. Mmh. On veut au moins l'écouter rapidement, ce Paranoid. Ah oui, allez-y, allez-y. Donc on y va ? Oui. Allez, c'est parti. À tout de suite. Langage arsenica, bocal de capiton, wow, vacille la raison. En l'assoutant du manche, les deux mains sur les hanches, où est passé ton ego? Il n'y a plus de héros. Stop, stop, you're getting paranoid, you are humanoid. Ilule en avalanche, livrait cet avisage, une bulle. Vous êtes, vous êtes dans les coulisses de Bérénice avec Elsia. Vous venez d'écouter son dernier titre Paranoid. Oui, avec le tic-tac au début qui fait référence. Alors ça, pour l'anecdote, en fait, c'est le son du minuteur de ma gazinière. Parce qu'en fait, quand je crée, j'ai aussi besoin d'avoir des sons extérieurs qui sont pas forcément des sons d'instruments. Et là, comme l'idée, c'était, on rentre dans la cocotte minute de la personne qui est paranoïaque, il y a le tic-tac, c'est un peu je trouve plus le terme. Enfin, bref, ça va exploser, quoi. Voilà, c'est, je trouve c'est que... sous pression. Voilà, c'est ça, c'est, oui. Donc, il y a une espèce de décompte, quoi. Attention, ça va exploser. Donc. Ouais, mais en tout cas, très, très beau titre, très beau deuxième titre. Merci. Alors, si j'ai bien compris, tu vas pas rester à deux titres. Non, il y a un album qui est en plein enregistrement en ce moment. On travaille chez Hat Studio à Tigy avec Dominique Dussault, qui est un super ingé son. Et donc, oui, alors bien sûr, je fais en sorte que ce soit que des sons de véritables instruments. Il y a aucun son synthétique. Donc, c'est-à-dire que les sons de cuivre, ce sont des vrais cuivres, des vraies trompettes, des vrais saxos, etc. Il n'y a pas de boîte à rythme, c'est un batteur. Donc, pour certains morceaux, il y a des choses qui vont être plus jazzy, d'autres qui vont être plus groove. Enfin, voilà, il y a différents. Ça va être assez large au niveau du style, bien que ce soit toujours soul, groovy, jazzy, mais voilà, c'est. Il y a différentes ambiances. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Différentes ambiances. D'accord. De toute manière, c'est toujours toi qui mène, en fait, qui crée toujours. Hein. Alors, il y a dans l'album, il y a trois morceaux qui ne sont pas de moi. D'accord. Il y en a deux qui ont été composés et écrits par Thibault Lurton, qui donc, justement, est là sur la plupart des... En compo, on est d'accord. Oui, oui. Hein, et puis, il y en a un troisième qui a été écrit par, justement, mon directeur artistique, Laurent Brett. Donc là, il a écrit les paroles. Et en revanche, les instruments et la mélodie du chant ont été composés par Dominique Dussault de Hat Studio. Voilà. Donc là, c'est clé en main aussi. Donc sinon, le reste, c'est de moi. Voilà. Ça sera un album de combien de titres, du coup? Alors, entre 9 et 10 titres. Oui, donc un bel album. En incluant, bien sûr, Liberty et Paranoid dedans. Ah ouais, voilà. Encore 7 derrière, donc ouais, ça fait quand même beaucoup de boulot encore. Voilà, hein. Donc on est en parallèle des singles, on est dans les enregistrements studio. Et oui, donc ça serait prévu pour quelle période? Alors probablement pour septembre, on pensait sortir pour le printemps 2021, mais on va plutôt miser pour septembre. Avec la conjoncture, on préfère miser pour septembre. Là, oui, c'est vrai que là, il faut tous s'organiser autrement. Hein. C'est un petit peu décalé. Les règles sont un peu déréglées. C'est ça. Tout est déréglé. Oui. Comment tu vois l'année justement qui arrive là, de ton côté? Donc tu vas enregistrer, mais il va y avoir d'autres sorties de clips? Il va y avoir, oui. Bah, au moins un autre, ça c'est sûr, et avec un autre single. Et puis pour ce qui est de Paranoid, probablement un petit remix aussi qui va arriver. Ouais. Voilà, pour début d'année 2021. Super. Donc, et puis le single suivant au printemps. D'accord. Donc là, tout est numérique aujourd'hui. Oui, pour l'instant, il n'y a pas de sortie matérielle. Ça, ce sera vraiment pour la sortie de l'album où là, il y aura CD et vinyle. Voilà. Ah, vinyle aussi. Donc, j'ai hâte. Donc, un autre clip, un album à venir. Oui. Quels sont tes réseaux sociaux aujourd'hui? Tu es sur quels réseaux sociaux? Alors, je suis sur Facebook. Donc, il faut taper Elsia chanteuse, on va me trouver. E-L-S-I-A, comme Elsa avec un I entre le S et le A. Et sur Instagram, où là, il faut doubler Elsia, il faut écrire Elsia, Elsia, collé. Et là, vous me trouverez également, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir mon univers, sachant que là, vous verrez des photos du backstage. Vous me verrez en train de fabriquer mes costumes et accessoires. N'hésitez pas à découvrir mon univers. Donc, les personnes qui t'accompagnent aujourd'hui, donc tu as un manager. Oui. Un label. Oui. Comment t'as trouvé tous ces partenaires-là? Via les réseaux sociaux. D'accord. Voilà, les réseaux sociaux n'ont pas que du mauvais. et là, ça me sert de vitrine. Et je glanais des infos à droite à gauche et j'ai découvert... Enfin, je suis rentrée en contact avec mon agent actuel grâce aux réseaux sociaux. Je lui ai envoyé le lien de mon clip. Il a apprécié et m'a demandé l'autorisation d'envoyer le clip à différents labels étrangers. Et la Belgique a dit banco. Voilà. Super. Vraiment super. Donc, c'est comme quoi tout peut arriver. Oui. Faut s'accrocher. Faut y croire. Ouais, faut y croire. Ouais. Faut y mettre ses tripes. Hein. Faut vraiment... Faut se donner à fond et puis et puis bon après advienne que pourra mais quand on est authentique je pense que c'est là qu'on touche les gens. Alors tu es en autoproduction par contre de c'est ça côté. J'autofinance tout. Oui donc il y a cette partie d'enregistrement, oui. De vidéos, de réalisation, tout ça c'est toi qui c'est finance ça. De ton côté oui, puisque et ton c'est label. C'est un label et non pas une maison de disques. La maison de disques elle finance tout, le label non, il s'occupe juste tout ce qui est promotion mais pas ce genre de choses. Donc là la promotion elle consiste en quoi aujourd'hui avec Liberty, avec Paranoid, les deux non ou c'est alors juste... là comment dire Liberty ça a été lancé en janvier et maintenant on est parti sur la promotion de Paranoid. Donc tu rentres dans les playlists. Voilà, je rentre dans les playlists à l'étranger et en France. Ça, c'est super. Et puis voilà, petit à petit, je fais les choses step by step. C'est super, super, super. Moi, j'ai une question par rapport à ceux qui voudraient démarrer leur carrière. On peut le faire à tout âge. Oui. Quel conseil tu aurais à leur donner au-delà d'être tenace comme tu viens de l'expliquer oui. Est-ce que tu as des petits tuyaux à donner enfin, Après il faut faire attention à, attention miroir aux alouettes il faut bien se faire entourer vraiment avoir des gens motivés qui croient vraiment et qui sont pas là juste pour faire du fric entre guillemets voilà c'est la seule chose que je puisse donner en fait comme conseil, quoi. Mm-mm. Faut y aller, faut frapper aux portes, faut pas avoir peur du entre guillemets ridicule. On n'est pas ridicule quand on entreprend, voilà. C'est faut tenter. Après, ça passe ou ça passe pas, mais il faut y aller, quoi. Mm-mm. Comment tu te vois dans 2 ans, toi, de ton côté ? Oh, la projection, l'éternel problème de la projection. Ah mince, bah ouais, c'est la question de la fin. C'est une des dernières questions. Hein. En fait, je peux pas. Alors, vu le contexte, c'est compliqué de se projeter. J'en ai aucune idée. La seule chose, c'est que voilà, j'aimerais pouvoir grandir, être sur scène, donner plein de bonheur aux gens, les embarquer dans mon univers, et puis en vivre décemment. Mais bon, ça. Alors, justement, sur scène. Oui. Aujourd'hui, on a la possibilité de réouvrir les salles. Toi, tu peux te produire avec combien de musiciens ? Pour l'instant, je peux pas me produire avec autant de... Parce que mes morceaux, quand même, sont très riches. Il y a beaucoup d'instruments. Concrètement, ça. Non, pour l'instant, j'ai pas de cuivre. On va tourner en petits noyaux, c'est-à-dire on sera 3, maximum 4. D'accord. Voilà, on va pas... pour l'instant, je n'ai pas le budget pour ça. Oui, mais tu peux le faire quand même à 3 ou à 4. Voilà, c'est ça. Et oui. Quels sont les instruments avec lesquels tu vas... Dans ces cas-là, ce sera basse, batterie et puis clavier ou guitare. D'accord. Voilà. Donc, dès qu'on peut voir tout ça, tu nous fais signe. Ah oui, oui, bah oui, bien d'accord. Sûr. D'accord. Oui, tu oui, nous fais bien signe. Sûr. Hein, et puis, moi, je parle de toi aussi sur les réseaux de la radio, sur mes réseaux aussi perso, en disant, voilà, Elsia, elle est en train de ou sortir quelque chose, oui. Un nouveau clip, ou elle va se produire sur scène. Donc, n'hésite pas, on va te suivre. Tu es en plus orléanaise, tu es vraiment du coin. Donc, c'est très précieux de t'avoir sur notre territoire. Hein, donc, on va te suivre. Bah avec plaisir. Est-ce que, avant de choisir un dernier morceau, avant de nous quitter, on rappelle tes réseaux sociaux. Oui. Et puis, tu as peut-être quelque chose d'autre à rajouter que tu aurais envie de dire avant de... Alors, mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, il faut taper Elsia Chanteuse, ce sera plus simple de me trouver. Mm-hmm. Et sur Instagram, c'est Elsia, 2 fois, voilà. Très bien. Et là, vous découvrirez mon univers. D'accord. Et puis donc, ton dernier titre, c'est Paranoid. Et le premier, c'était Liberty. C'est ça. Ce sont 2 singles qui seront intégrés à l'album qui sortira logiquement en septembre 2021. D'ici là, j'espère pouvoir faire de la scène à nouveau. Mais avec plaisir, avec plaisir. Donc, quel titre tu veux qu'on Parce que j'avais une playlist très riche, mais finalement, le temps file. Une super belle playlist. Oui, alors, j'hésite. Bon, allez, je vais choisir un morceau très positif. Je vais choisir Michel David qui est passé à l'Astrolabe. C'était extraordinaire, elle nous a envoyé une énergie, c'est une boule d'énergie. Vraiment, elle est généreuse, elle est complètement habitée, tout comme Grégory Porter peut l'être aussi, que j'avais choisi aussi dans ma playlist, mais on peut pas le mettre. Bah, ouais. Mais donc oui, Michel David, extraordinaire. Elle devait repasser à l'Astro et malheureusement, le concert a été annulé. Je ne sais pas si elle va passer à nouveau. En tout cas, voilà, je vous invite tous à aller découvrir son univers. Elle est très, très, très généreuse et très accessible. Donc, allez-y. Donc, on s'écoute. Michel David, Gonna Be Alright. C'est ça. Nous, de notre côté, on va se quitter. Je te remercie d'être passé dans les coulisses et tu es toujours la bienvenue. Ah, merci, c'était un vrai plaisir. J'espère que les auditeurs auront passé un très bon moment. En tout cas, j'étais ravie de vous présenter mon univers. Et puis, on se retrouve très vite sur les réseaux. À très vite, en tout cas, Alicia. Et merci encore. Hein. Merci bon retour, à toi, Bérénice. Bon retour, à bientôt. Au revoir. Bon retour, au revoir. Et puis, on s'écoute Michel David et n'oubliez pas, JPJP vers 21h sera dans son émission pour du blues. Donc n'hésitez pas à le suivre de son côté. On se quitte avec Michel David. À très bientôt pour Dans les coulisses dans 15 jours. Au revoir. Endure for a night, but all joy.